So yesterday, I spoke about five factors that prevent concentration. Does everybody remember what they are? First of all, sense desire, kamachanda. Second, anger, vyabhara. Third, sloth and torpor, tinamita. Fourth, odacha, kokocha, restlessness and remorse. And fifth is svichikeja, skeptical doubt. Hier, je vous ai parlé de cinq facteurs négatifs qui allaient empêcher la concentration. Est-ce que vous vous souvenez encore de ces cinq facteurs? Le premier, c'était donc le désir sensuel. Le deuxième, c'était la colère, l'aversion. Le troisième, c'est la somnolence et la torpeur. Le quatrième, c'est l'agitation et le remords. Et le cinquième, c'est le doute sceptique. Il est dit que la personne qui pratique la méditation satipatthana va réussir tôt ou tard à affaiblir ses empêchements et à les éradiquer de l'esprit. Il est dit également que le méditant doit observer les différents objets avec effort, application de l'esprit, et il doit faire cela de façon continue. Mais c'est un entraînement, nous nous entraînons à cette qualité d'attention, nous entraînons à observer ainsi le corps et l'esprit. Nous pourrions dire que notre corps est comparable à un champ, un très grand champ, très étendu, et qui contient toutes sortes de choses. Nous allons observer ce grand champ dans lequel toutes sortes de choses vont se manifester. Il y a énormément de phénomènes qui sont susceptibles de se manifester dans ce champ d'observation. Et il s'agira chaque fois de moments de conscience différents. Il y aura voir, entendre, sentir, goûter, toucher, penser. Tous ces phénomènes sont compris dans ce champ d'observation. Il y aura toutes sortes de choses qui vont se manifester, notamment des moments de soulèvement d'abdomen, des moments d'abaissement d'abdomen. Il y aura par moments la posture assise, par moments le toucher, par moments la posture debout, par moments le désir de se gratter, par moments le fait d'avancer le pied, de le lever, de l'abaisser. Tout cela, ce sont des objets qui doivent être observés. Nous nous entraînons à observer, par exemple, les mouvements de soulèvement de l'abdomen, les mouvements d'abaissement de l'abdomen, si rien d'autre ne se manifeste. Dès que quelque chose d'autre va devenir prédominant dans le corps ou dans l'esprit, il faudra également observer ce nouvel objet. Il faudra l'observer à l'instant même où il se manifeste en nous, avec effort et application de l'esprit. Le yogi doit faire une seule chose, observer tout ce qui se manifeste à chaque instant avec effort et application de l'esprit. C'est son seul devoir. S'il fournit cet effort, il va réussir à propulser son attention vers l'objet. Mais si cet effort est absent, c'est la paresse qui va s'installer dans son esprit. Si l'effort est présent au moment où il observe, son esprit va devenir chaud. Il ne sera pas froid, il ne sera pas paresseux, et c'est de cette façon que le méditant évite une paresse extrême. Ce facteur qui consiste à appliquer l'attention à l'objet est très important. C'est ce facteur qui va permettre d'équilibrer l'effort. L'effort ne doit être ni excessif ni trop faible. Et c'est le facteur d'application de l'esprit qui va équilibrer cet effort. Si l'effort est bien dosé et qu'il est présent au moment où on médite, l'esprit va pouvoir fleurir. Mais si l'effort est absent, l'esprit va se dessécher, il va devenir froid et en conséquence, il ne sera pas facilement malléable. C'est un peu comme du beurre qui serait refroidi. Lorsque le beurre est froid, il n'est pas malléable. Chaque fois que le soulèvement de l'abdomen aura lieu, chaque fois que l'abaissement de l'abdomen aura lieu, il faut que le méditant observe avec ces deux qualités, l'application de l'esprit et l'effort. Si d'autres objets se manifestent, il doit également les observer avec effort et application de l'esprit. Lorsque cette façon de méditer aura pris du rythme, l'esprit va devenir frais et malléable. C'est le bénéfice de la pratique. Lorsque l'effort est présent, ainsi que l'application de l'esprit, sati, l'attention, va apparaître. Sati, l'attention, c'est un facteur qui colle à l'objet. Il rassemble l'esprit. Si ces deux facteurs, l'application de l'esprit et l'effort, sont présents, automatiquement, sati va apparaître. Il n'est pas nécessaire de faire quelque chose de particulier pour y arriver. Cela va se passer automatiquement. Donc, lorsque l'attention devient continue, l'esprit sera protégé. Sati protège l'esprit contre les empêchements. Les empêchements ne peuvent plus pénétrer. Sati, l'attention, lorsqu'elle devient forte, qu'elle est continue, elle va fermer l'esprit, va le bloquer complètement. Rien ne pourra plus pénétrer dans l'esprit. Il faut pour cela que sati soit devenue forte. L'esprit sera alors en sécurité et ne sera plus envahi par les empêchements. L'attention, lorsqu'elle sera devenue forte, va protéger l'esprit. L'esprit sera en sécurité. Il sera libre. On appelle cela en pali vimuti. Lorsque l'esprit se sent libre des empêchements, il est paisible et il peut demeurer facilement et paisiblement sans être envahi par les empêchements. Si sati colle à l'objet, l'esprit sera fermement établi, il va coller à l'objet. Ceci, c'est la concentration samadhi. Lorsque donc sati est devenue forte, elle va amener automatiquement samadhi, la concentration. C'est quelque chose qui va se passer automatiquement. C'est le résultat de sati qui est continu. Lorsque samadhi est présente, la concentration, l'esprit sera rassemblé. Il ne s'éparpillera pas. Il n'y aura plus de pensées, plus de souvenirs qui pourraient nous entraîner dans l'agitation. C'est de cette façon que Udacha Kukucha est éliminé de l'esprit. Si on analyse ce qui se passe réellement au moment où on observe les différents objets avec cette qualité d'attention, on peut voir qu'il y a Viriya, l'effort, qui va antidoter la paresse. Il y a Vitaka, l'application de l'esprit, l'énergie. Lorsque nous observons les différents objets, sati est présent, elle protège l'esprit et elle empêche l'intrusion des empêchements. Lorsque l'esprit est ainsi concentré sur l'objet, il n'est pas éparpillé et il est impossible qu'il y ait des regrets ou des remords. Ceci, ce sont donc les bénéfices qu'amène cette qualité d'attention. Ceci est appelé la pureté de l'esprit. Cette pureté de l'esprit doit obligatoirement être introduite si on veut réussir à comprendre les choses. Si les différents objets sont observés avec cette qualité d'attention, il est impossible qu'au moment où le méditant note, le désir se manifeste en lui, car son esprit est libre de ses empêchements. C'est une qualité d'attention, une qualité d'esprit supérieure. C'est un esprit qui est libre des empêchements. Il est impossible également que la colère ou le mécontentement se manifeste dans l'esprit lorsque le méditant note avec cette qualité d'attention. Son esprit est pur. Cette pureté de l'esprit, c'est le bénéfice immédiat de la pratique. Il est possible pour le méditant d'arriver à ce résultat. Pourquoi ? Parce qu'il dispose de la méthode pour cela, et la méthode, c'est Satipatthana. Tous les jours, nous récitons le résumé du Satipatthana, dans lequel il est question de la contemplation du corps dans le corps, avec ardeur, claire compréhension et attention. Si nous pratiquons la méditation Satipatthana conformément aux instructions, notre esprit va devenir pur. Il n'y aura alors plus aucune malveillance dans cet esprit. C'est la signification de Ekayana, le seul chemin. Satipatthana est le seul chemin. Ceci veut tout simplement dire que c'est un chemin qui est direct, il est sans embranchement, il s'agit simplement d'appliquer cette qualité d'attention et il est également fiable. Lorsque le méditant pratique avec ardeur, avec effort, avec attention, avec concentration, tous ces facteurs sont présents en lui, sont bien développés, mais la sagesse n'est pas encore apparue dans son esprit. Il n'a pas encore la sagesse, mais il a déjà la pureté de l'esprit. Son esprit est devenu calme parce que les empêchements ne peuvent plus le pénétrer. C'est la signification de Samatha. Lorsque l'effort est présent, c'est Viriya en pali, l'esprit sera appliqué à l'objet, va coller à l'objet, c'est Sati, et il sera également unifié sur l'objet. C'est Samadhi. Lorsque donc ces trois facteurs, Viriya, Sati et Samadhi, sont présents, il est impossible que l'avidité ou la colère se manifestent dans l'esprit. Samatas, c'est une pratique qui va calmer l'esprit. Elle va empêcher l'apparition des empêchements. Et il est nécessaire que tout au long de notre pratique de la méditation, les facteurs de Samatha soient présents en nous. Si on réussit à faire une note par seconde, en une minute, nous aurons expérimenté 60 moments de Samatha, 60 fois l'esprit Samatha. Si vous ne faites qu'une note toutes les 2 secondes, vous aurez expérimenté 30 moments d'esprit Samatha. Si vous pratiquez ainsi, pendant 5 minutes, pendant 1 heure, vous aurez d'autant plus de moments de Samatha. Et donc, ces moments de pureté d'esprit sont appelés conscience bhavana. Cette conscience bhavana contient ces trois facteurs, l'effort, l'attention et la concentration. Si nous voulons réussir à développer la compréhension, il faudra que nous nous entraînions et que nous développions cette conscience bhavana, que nous acquérions un esprit pur. Lorsqu'on ne médite pas, on va percevoir les choses au niveau de la réalité conventionnelle. Ce sont donc des concepts. Tous ces concepts existent dans la vie de tous les jours et nous vivons de ces concepts. Ils existent donc d'une certaine façon. Il y a toutes sortes de concepts. On peut dire, par exemple, j'ai un père, j'ai une mère, j'ai des frères, des sœurs. On peut également dire « je porte telle sorte de vêtements et donc je suis une nonne, telle personne porte un autre type de vêtements et elle est autre chose ». Ce sont d'autres formes de concepts. Lorsqu'on parle de jambes, de bras, de tête, tout cela ce sont des concepts, ce sont les concepts de la forme. Lorsqu'on commence la méditation, bien souvent, on perçoit les choses en termes de forme. Une autre forme de concept, c'est la manière. On peut percevoir les choses en termes de manière, de posture. Par exemple, on est assis, on est debout, on est en marche, on étend le bras. Tout cela, ce sont donc également des concepts, mais les manières. Dans les Écritures, on reconnaît 4 types de réalité ultime. La première, c'est l'esprit ou la conscience. La deuxième, ce sont les facteurs mentaux qui apparaissent avec l'esprit. La troisième, c'est la matière. Et la quatrième, c'est Nibbana, la libération. En termes de réalité ultime, le corps, c'est la matière. Et cette matière est constituée des 4 grands éléments. Le corps, c'est la matière. Ce sont les 4 grands éléments. Il y a tout d'abord l'élément terre, appelé en pali Patavi. Il se manifeste sous forme de dureté, de fermeté. Dans le corps, nous avons certaines parties qui seront essentiellement composées de ce premier élément. Par exemple, les os, sont ressentis comme durs. La chair est plus molle que les os, mais c'est encore l'élémentaire. Donc, il y a toute une série de parties du corps qui sont faites essentiellement de l'élémentaire. Vient ensuite l'élément eau, apo. L'élément eau se manifeste sous forme de fluidité. C'est un élément qui donne l'impression de coller. Il assure la cohésion. On peut comprendre l'élément eau en le comparant à la farine et à l'eau. Lorsqu'on fait du pain, on va mélanger de la farine à de l'eau. La farine, tant qu'elle ne sera pas mélangée à l'eau, va s'éparpiller. Mais si elle est mélangée à l'eau, les particules de farine vont coller ensemble, il y aura cohésion. C'est la manifestation de l'élément eau. L'élément suivant, c'est Tejo Dhatu. C'est l'élément de température, on parle parfois de l'élément feu. Il se manifeste sous forme de froid, de chaleur, mais également de légèreté. Et le dernier élément, c'est l'élément air, Vayu Dhatu, qui se manifeste sous forme de poussée, de raideur, de support. Ces éléments, il n'est donc pas possible de les voir à l'œil nu. On ne peut que les expérimenter dans la méditation. On va ressentir les qualités de ces éléments. Pendant la méditation, il n'est pas nécessaire de reconnaître à quel élément appartient à la sensation qu'on expérimente. Selon les Écritures, le corps est composé de 32 parties. Les 20 premières parties sont essentiellement composées de l'élémentaire. Il s'agit par exemple des cheveux, des poils, de la peau, de l'estomac. Tout cela fait donc partie de ces 20 premières parties du corps. Lorsque pendant la méditation, nous observons notre estomac, par exemple, ou des muscles, ou des os, nous allons y trouver essentiellement l'élémentaire. Les 12 éléments suivants seront essentiellement composés de l'élément eau. Il y a par exemple le sang, les larmes, la transpiration, l'urine, la bile. Tout ce qui contient des liquidités va donc être essentiellement composé de l'élément eau. Il y a ensuite l'élément feu qui est présent également dans le corps. Il y a différentes sortes de feux. Il y a par exemple le feu qui maintient la température du corps. Il y a également le feu digestif. Ce sont deux sortes de feux. Pour ce qui est de l'élément air, il est de 6 sortes. Et nous pouvons tous les expérimenter dans notre corps. Il y a par exemple l'air ascendant. Lorsque nous toussons ou que nous faisons des renvois, c'est l'air ascendant qui se manifeste. Il y a l'air descendant lorsque nous faisons des bains, c'est ce type d'élément air. Et il y a également l'élément air dans l'estomac et l'élément air dans les intestins qui va pousser les aliments vers le bas. Il y a également l'air qui circule dans les membres et qui nous permet de bouger. Il y a la respiration, l'inspiration et l'expiration. Donc ce sont là toutes sortes de formes d'éléments air. Ce qui est important, c'est de savoir qu'ils peuvent tous être expérimentés dans le corps. Ces 4 éléments apparaissent toujours ensemble, mais dans des proportions variables. Donc ces éléments, la dureté, la douceur, tout cela va apparaître et disparaître constamment à l'intérieur de nous. C'est la réalité ultime, la véritable nature des choses. Cette véritable nature des choses existe également au niveau de l'esprit. Faites de connaître, c'est la véritable nature de l'esprit. Il y a par ailleurs la sensation, Vedana, qui est de 3 types, agréable, désagréable et neutre. Il y a également la perception, le fait de reconnaître les choses. Donc, nous pouvons observer toutes ces choses à l'intérieur de nous au moment où l'on médite. Nous allons alors comprendre la véritable nature du corps et de l'esprit. Tout cela va devenir de plus en plus claire au fur et à mesure des progrès dans la méditation. Il faut savoir que la réalité conventionnelle, les concepts, ne peuvent pas se manifester en même temps que la réalité ultime. Ces deux réalités ne peuvent pas coexister. Si la réalité des concepts est claire, la réalité ultime va s'estomper. Si c'est la réalité ultime qui est claire, la réalité des concepts s'estompe. Lorsqu'on médite, on commence en général par observer la réalité des concepts. C'est celle qui est le plus claire. À force d'observer ces concepts, la concentration se développe et on commence à expérimenter de temps à autre la réalité ultime. Pendant un certain temps, ces deux réalités vont se manifester l'une après l'autre. Lorsque la concentration et que la méditation aura encore progressé, c'est la réalité ultime qui va devenir prédominante. Lorsqu'on observe les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, au début, on ne voit que la forme. On voit éventuellement la manière. Mais on persévère dans la pratique et petit à petit, on commence à ressentir des sensations plus subtiles comme des tensions, par exemple, de la raideur. Toutes ces sensations plus subtiles sont la réalité ultime. Il est nécessaire que le méditant persévère dans sa pratique jusqu'au moment où il verra la réalité ultime, car ce n'est qu'à ce moment-là qu'il pourra expérimenter véritablement l'impermanence des phénomènes, qu'il les verra apparaître et disparaître. Pour voir donc les caractéristiques d'apparition et de disparition des phénomènes, il est obligatoire que le méditant ait réussi à voir la nature des sensations. Si nous voulons réussir à comprendre les caractéristiques des phénomènes, à voir clairement, il faut obligatoirement qu'il y ait effort et application de l'esprit à l'objet. Lorsque ces deux facteurs seront devenus puissants, l'esprit va coller à l'objet, il va s'y frotter. C'est vichara, le facteur de vichara. On peut comparer cela à quelqu'un qui joue au football ou bien aux billes. Lorsqu'on joue aux billes, on propulse une bille de façon à ce qu'elle atteigne la cible. Elle va atteindre la cible et va heurter cette cible. C'est de la même façon que nous devons pratiquer, nous devons propulser notre esprit avec effort vers l'objet et viser l'objet. De cette façon, l'esprit va entrer en collision avec cet objet. Si donc ce facteur mental de vichara est présent, que l'esprit adhère à l'objet, la sagesse va pouvoir se développer. Ce facteur mental de vichara est parfois appelé maintien de l'esprit sur l'objet. L'esprit est maintenu fermement sur l'objet, il y adhère. Pour reprendre l'exemple du jeu de billes, c'est au moment où la bille que l'on a propulsée vers l'autre bille heurte cette autre bille. Que va-t-il se passer alors? La personne qui joue aux billes va être très heureuse parce qu'elle a réussi son coup. En méditation également, lorsque le méditant constate que son esprit atteint la cible, atteint l'objet et qu'il s'y maintient, c'est la joie qui va se manifester. En pali, on parle de piti. Et si piti, la joie, se manifeste pendant la méditation, forcément, la colère et le mécontentement vont disparaître. Nous en resterons là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de poursuivre votre effort, de continuer à développer votre attention, votre concentration, de façon à ce que la sagesse puisse se manifester. Et lorsque la sagesse sera en vous, vous pourrez atteindre la libération. So this is enough for tonight, but I hope that everyone will continue the practice to suppress and overcome the obstacles to concentration so that knowledge can be developed and liberation can come. That's all for today. Sadhu, sadhu, sadhu.